Sergio, interview Marc de la Salle, enregistrement en date du 20 avril 2013. Donc, j'ai décidé de vous partager cet enregistrement. Donc, suite au décès de ces deux individus, pour leur rendre hommage. Donc, à quelque part, c'est des gens qui se sont investis pendant plusieurs années pour faire la diffusion de la conscience sur le web. Marc de la Salle, à travers ses écrits, étant donné qu'il était auteur et conférencier, et aussi à travers ses vidéos qu'il a produites. Même chose pour Sergio, qui a fait des vidéos. Pour sa part, Sergio a été très actif sur Facebook pour partager des articles, également y écrire des textes, donc sur des forums de discussion. Donc, pour rendre hommage à la qualité de leur travail qu'ils ont fait au fil du temps par rapport à ces deux personnes décédées à présent. Donc, Sergio, qui est mort au mois de février de l'année 2023 suite à un cancer. Et Marc de la Salle, qui est décédé lors du mois d'août de l'année 2020 suite à un accident de vélo. Vous allez pouvoir entendre un enregistrement où vous allez percevoir, interagir les deux là, dans le cadre d'une conférence auquel j'avais assisté. Ça a été une conférence mémorable. Donc, par rapport à la conférence, malheureusement, je n'avais pas l'enregistrement au complet. Par contre, en revisitant mes archives suite à l'annonce récente du décès de Sergio, j'ai tombé sur un extrait de conférence. Il dure à peu près 20 minutes, mais je le trouvais très intéressant, très condensé aussi en contenu. Et c'est la raison pour laquelle, dans un esprit de partage, j'ai décidé de le mettre à présent disponible au public sur ma chaîne de diffusion web, donc YouTube. Et en même temps, ben, c'est une occasion pour rendre hommage à ces deux individus, c'est-à-dire Sergio et Marc de la Salle, qui ont œuvré dans le domaine de la diffusion de la conscience sur le web. Bonne écoute. On va repartir. Sergio va poser des questions. Puis des questions qui ont été proposées par les gens qui ont écrit ici, pour des questions pour Marc. Puis des questions que j'ai posées de moi-même aussi pour la continuité de la soirée. Fait qu'on y va pour une question? Oui, oui, okay. Oui. Vous entendez bien? Vous entendez bien, oui. Oui, bon, c'est bon. Je vais monter mon volume. OK, il y avait une première question ici d'un participant à cette soirée. Sachant que nous n'avons pas le droit de faire du mal et du tort aux autres, si une personne se permet de le faire consciemment ou inconsciemment, est-ce que les forces de lumière vont la ramener à l'ordre par la loi d'accident? Certainement. OK, ça répond déjà. Ça va aller bien de même. Ça, c'est du karma. OK. Hein? Conscient ou consciemment? Inconsciemment? Quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est déjà du karma, tu es inconscient. OK. Important. Ou si cette personne est protégée dans cette vie par son karma ou programmation? Bien, ça dépend. Protégée par son karma, protégée par l'entité qui ne veut pas perdre son cheval de course. Parce qu'elle se fait utiliser, c'est une forme de possession. Donc la personne, autrement dit, n'est pas sur une bonne route en faisant souffrir quelqu'un, consciemment ou consciemment, en sortir d'un karma. C'est une possession astrale. OK. Il y a une entité derrière ça qui est du plan luciférien. Est-ce que une personne qui va faire du mal à un autre, on parle de mal en guillemets, là, tu sais, est-ce que cette personne-là peut être mandatée pour faire évoluer l'autre? Ah, ben dans ce cas-là, c'est une question, dans ça. Ce cas-là, c'est possible, mais généralement, les êtres qui sont conscients, ils ont trop une belle sensibilité pour aller demander à une bête astrale de les tester pour faire évoluer. Puis c'est rare que les forces de la lumière vont utiliser une bête astrale pour faire évoluer quelqu'un. OK. Ils vont utiliser quelqu'un qui est mal à mancher, mais pas un destructeur en soi. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une énergie négative énormément. Prenez Hitler. Une énergie négative incroyable. Est-ce qu'il a fait évoluer du monde? Non, il n'a pas fait évoluer personne. C'est une illusion de penser qu'Hitler a fait évoluer du monde. C'est un contrat astral contre sa psyché. Puis il a endoctriné, il a séduit des milliards de personnes, des milliards d'entités. À son idéologie à lui. À son idéologie à lui. Donc, il n'y a pas de conscience là-dedans. Quelqu'un qui veut faire le mal, il est soumis à des forces astrales très fortes, puis il ne sait pas. L'âme est déjà un peu négociée par la noirceur. Il y a, okay. Les entrées sont trop fortes. Difficile de déloger la noirceur quand les entrées sont trop fortes, une conscience. Qu'est-ce que la loi du retour? C'est du karma. C'est de la main. OK. On peut définir le karma? Le karma, le karma, c'est une mémoire qui est utilisée par, la, par les ajusteurs de pensée, par les forces, pour te ramener dans tes impuissances. Si toi, tu n'es pas capable de voir que tu viens une impuissance, ben, tu vas vouloir donner la réponse à l'autre. T'sais, quelqu'un qui t'envoie chier, ben, vas-y chier toi aussi. C'est du karma. Parce que tu n'es pas capable de neutraliser la forme entre un parent, puis une fille, puis une mère, par exemple, qui sont à couteau tiré. C'est du karma. Qu'est-ce qui arrive dans ça? C'est que la mémoire qu'ils ont d'une autre vie est plus forte que la conscience qu'ils peuvent avoir dans cette journée, dans cette vie-là. Donc, c'est simplement des lois de retour, des lois, tu sais, la programmation. Oui, continue. OK. OK, un petit peu. OK, ça vient ici. Face au karma, d'abandon à avoir une attitude fataliste, c'est que nous avons choisi de vivre dans cette vie-ci. Avant notre incarnation, et nous ne pouvons rien, ou devrions-nous adopter une toute autre attitude et avons-nous quand même une certaine latitude de ce qui a été choisi? Je vais lui demander exactement qu'est-ce que l'homme doit faire face au karma. Face au karma, l'homme doit être neutre. Vous devez savoir que vous avez des faiblesses, des failles, et vous devez les prendre position par rapport à vos failles, vos faiblesses. C'est-à-dire, si vous avez la conscience que vous avez été envers une personne malhabile, ajustez-vous, Chris. C'est aussi simple que ça. Donnez pas d'autorité au karma, c'est ce qu'ils disent. Ajustez-vous. Sachant qu'en tout temps et en toutes circonstances, nous devons avoir du respect pour les autres. Que peut-on faire lorsqu'une personne se permet de nous manquer de respect? Ah, ça dépend du rappel à l'ordre que vous avez à faire avec cette personne-là. Il y a des gens qu'un rappel à l'ordre va permettre plus d'espace, plus de dignité dans cet individu-là, alors qu'un rappel à l'ordre peut créer une plus grande opposition dans cette personne-là qui va l'inciter à vous déstabiliser davantage. C'est là que vous avez besoin d'un centre de gravité très fort pour savoir qu'est-ce que vous devez faire avec cette personne-là. Si c'est au travail, puis il y a un manque de respect continu avec vous, c'est certain qu'êtes-vous capable d'aller dans sa figure et tout simplement dire « Je crois que vous m'avez sincèrement manqué de respect dans telle occasion. » L'autre peut bien te répondre « Va donc chier, t'es une crise de folle. Qu'est-ce que tu penses? » T'as ta réponse. Ça veut dire que tu ne peux pas traiter avec cette personne-là. Cette personne-là est fortement astralisée. Il faut que tu passes au second étage. Si c'est second étage, c'est l'administration. C'est aussi simple que ça, là. Il n'y a pas de recette magique, là. Non. Si l'administration, ça ne fonctionne pas, puis il te voit que c'est toi le problème parce que l'autre est ferré puis il y a de lien avec l'administration, c'est peut-être le temps que tu changes de travail aussi. Mais encore là, si tu as de la crainte, tu ne pourras pas changer de travail. Fait qu'ils vont te garder là dans tes impuissances. La programmation, c'est comme je disais avant, c'est t'es fait pour te garder dans tes impuissances. La programmation, c'est ça. Fait que tu es obligé de prendre des décisions. Prochaine question. Comment peut-on savoir sans la connaissance intellectuelle? Comment peut-on savoir sans la connaissance intellectuelle? Le savoir, c'est pas de la connaissance. Le savoir, c'est un contact direct avec la lumière. C'est une vibration, le savoir. L'intellect, c'est de la connaissance. Ça veut dire que tu as appris quelque chose dans un livre où tu l'as entendu, tu l'as analysé, puis tu t'es fait une réponse. Et ta réponse devient la connaissance. Autrement dit, le savoir, c'est la vibration dans la source, puis l'autre, ça peut être la mémoire de la propre. On a demandé, c'est quoi le savoir? Le savoir, c'est la capacité de l'homme de remonter à l'origine de la pensée. De la source. Fait que tu remontes à l'origine de la pensée, tu sais que la pensée, c'est qui parle, puis tu n'as pas de problème. Tu n'as pas besoin d'être instruit, tu es déjà instruit parce que tu es dans le savoir. Alors que la connaissance, tu veux t'instruire, tu veux apprendre des choses, tu veux connaître des choses. Qu'est-ce que l'intuition? Ah, l'intuition, c'est le regard neutre et nouveau de l'homme ou de la femme, parce que la femme est plus est moins dans les ornières, a moins de barrières intellectuelles, a moins d'ego. Elle peut être beaucoup plus en intuition que l'homme. Elle est plus fluide. Est-ce que l'intuition peut venir de notre sensibilité? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que l'intuition peut venir de notre sensibilité? Énorme. Oui. Il dit beaucoup. Oui, ben, parce que l'intuition, c'est de la voyance, l'intuition. L'intuition, c'est une vibration. Ça veut dire que c'est le rapprochement de ton double qui est très, très proche pour contrer ta programmation. Tu es sur le même fil que le double. Donc, la programmation n'a pas d'espace. Tu as l'intuition de ce qui va arriver. Mais ça prend de la sensibilité par rapport à la matière pour comprendre c'est quoi de l'intuition. À quoi sert notre sensibilité? Ah, ben c'est ça. C'est... Tu n'as pas de sensibilité, tu vas souffrir longtemps, Chris. Vous êtes d'accord? C'est la sensibilité qui permet à l'individu de se reconnaître dans sa plus grande identité. Parce que c'est... votre centre de gravité, il part de où? Il part de votre sensibilité. Il ne part pas de votre intelligence. L'intelligence, ça vient après. On est avec une sensibilité. C'est cette sensibilité-là qu'on a niée ou qu'on a développée ou qu'on a étudiée qui nous permet de rencontrer l'intelligence. Donc, c'est la sensibilité qui détermine l'intelligence. Non, c'est pas la... ah, c'est bon. Okay. C'est pas la sensibilité qui détermine l'intelligence. La sensibilité détermine la direction de ton intelligence. OK. Peut-on savoir par notre sensibilité? Peut-on savoir par notre sensibilité? Par notre sensibilité, oui. Oui, parce que c'est une lecture psychique des événements, la sensibilité. Moi, je peux te voir, regarder et dire, ah, il est correct, parce que ta sensibilité amène une vibration à moi, elle me dit, tu sais, je sens rien autour de ta tête. Ça fait que, tu sais, prenez un gars comme Sergio, je parle personnellement de toi, ceux qui te donnent des fausses intentions, ils ne te comprennent pas. Oui. Tu es d'accord? C'est ça. Bon. C'est sympa. Bien d'accord avec toi. Mais ça, c'est une question de sensibilité. On le voit, vous pouvez le voir, ça. Vas-y. Mais les gens qui ont souvent qui vont être trop sensibles face à des drames, ça, c'est pas ajusté. La sensiblerie. Et pas, oui, et pas ajusté. La sensibilité n'est pas ajustée. Sensibilité de l'âme, ça? C'est sensiblerie qui est de l'âme. Okay. C'est parce que l'âme n'a pas la mesure de savoir encore qu'il n'y a ni mal, ni bon, ni bien. Elle n'a pas fait la synthèse de la valeur du mal. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Elle est encore dans la polarité du mal puis du bien. Fait qu'elle donne des sensibilités non ajustées à des événements. C'est ça. C'est ça que m'a dit, ajustée. Donc, tout va en soi avec, comme on disait, le rapport avec l'esprit, le rapport avec l'âme va déterminer l'orientation de la sensibilité. C'est ça. Oui. Est-ce que par notre sensibilité que nous arrivons à lire à une autre personne ou à savoir ce qui se passe sans qu'il y ait des paroles échangées? Donc, un premier contact. Oui, mais par la sensibilité, tu peux savoir pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu peux savoir beaucoup de choses, ça? Ben, certainement. Oui, okay. Certainement. Tu peux savoir. Tu regardes un enfant, puis tu le vois très bien. Si une belle sensibilité, il n'y aura pas le côté guerrier dans l'enfant, bien souvent. Ça se voit tout de suite. C'est juste que quand on vieillit, on n'est pas capable de voir ça chez les gens parce que notre ego s'est trop développé, bien souvent, puis ça crée un voile. Daniel Kim disait qu'il y avait des gens qui avaient déjà demandé à savoir qu'il y a quelqu'un qui pouvait aller dans l'aura de quelqu'un d'autre. C'est à travers l'aura. Il y a des gens qui veillent l'aura. Oui, comme Mesmer. Mesmer va dans les auras des autres. Il disait que c'est pour être fou parce que tu es au travail de notre propre prisme. Parce que tu as un aura toi-même. Donc, tu as une couleur. Ouais. Tu vas au travail de ta propre couleur. Donc, sincèrement, tu vas peut-être avoir une fausseté sur la couleur de l'autre. Tu ne devrais jamais t'imposer sur la conscience de quelqu'un d'autre. Puis Mesmer, un jour, il va payer son prix. Il roule avec les lois de la séduction. Puis les gens se laissent séduire. Ça va à l'encontre de toute la beauté de l'homme. C'est sûr que ça crée un gros spectacle, hein? Oui. Mais lui, il ne sait même pas, puis il sera ce qu'il sera, mais nous, c'est pas à nous de le dénoncer, mais ici, comme ça, vous savez tout ce que c'est. De même, est-ce que par notre sensibilité que nous pouvons lire les émotions d'une autre personne et comprendre pourquoi elle agit de telle façon? Ça amène une compréhension de l'autre, ça, profonde? Bien, la sensibilité, c'est un savoir. Donc, vous avez une lecture psychique de l'autre. Fait que, mais il ne faut pas croire que ce qu'on a comme lecture psychique. C'est la sensibilité devrait vous protéger de la croyance. Ah, OK. Je vais regarder ça. Okay. Qu'est-ce qui fait qu'une personne sensible peut être pénétrée par la croyance? Elle n'a pas assez souffert. Donc, elle n'a pas assez souffert pourquoi? Parce qu'elle accepte d'être manipulée dans sa sensibilité pour avoir une lecture de l'autre. Ça lui donne un petit avantage. Ça flatte son ego. Ah, j'ai une belle sensibilité, je peux capter les autres. Comme les voyantes. Ouais. Ils ont une crise de belle sensibilité. Métastrale. Oui, c'est astral. Puis ça lui donne, mais dans cette sensibilité-là, il y a beaucoup de croyances qu'ils peuvent aider l'homme. Si vous avez une belle sensibilité, vous allez vous apercevoir que chacun a une crise de programmation, puis s'il a mangé de la merde, il mangera de la merde. Si vous êtes là pour lui dire bonjour, Vous lui direz bonjour parce que vous avez un regard froid et vous devez tout simplement être une épaule à un moment donné pour donner un peu de lumière. Pas donner, mais c'est par vibration, vous allez tout simplement éclairer le chemin ou les idées qui peuvent être prises. Mais vous éclairez pas la personne. C'est que vous tassez un peu l'astral en disant bonjour, comment ça va? Elle s'en vient dans son centre. Est-ce que vous comprenez? Tu sais, quand les gens ils disent sont isolés, ils sont isolés, ils sont possédés, oui, mais ça prendrait que quelqu'un qui dise bonjour, ça va-tu bien de la regarder, puis là, ça peut changer son mindset. En gros, c'est ça. Est-ce possible que notre sensibilité nous parle intérieurement et nous indique la voie la plus intelligente à prendre en tout temps ou l'action la plus intelligente à faire face à une situation? La sensibilité, là, c'est pas une parole. La sensibilité, c'est une perception vibratoire. Si tu commences à te laisser aller par ta sensibilité, tu vas te faire fourrer. Ça, c'est certain. Parce que la sensibilité ne dira pas de ton enfant, il fait des conneries. Ce n'est pas la sensibilité, c'est l'intelligence. Tu peux saisir la sensibilité de ton enfant, il va faire des conneries, mais c'est l'intelligence qui va te permettre de le corriger. Donc, si tu n'as pas l'intelligence dans ta sensibilité, à un moment donné, ta sensibilité devient un problème. La sensibilité, ça serait un ressenti de l'impression. Ça serait un ressenti, puis un ressenti, bien, c'est de toujours, l'âme. C'est toujours l'âme qui chapeaute. Pas trop fiable. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre la souffrance psychologique et la souffrance psychique? La souffrance psychique, c'est vibratoire. Tu vas vivre, dans ta vie, tu vas vivre peut-être 3-4 chocs très majeurs, si tu es capable de les absorber, ou tu vas en vivre peut-être 1 ou 2. Puis, ce choc-là, c'est la souffrance psychique. C'est que la saturation de l'ego par rapport à la conception qu'il a de lui-même est arrivée à saturation. Il n'y a plus d'espace pour la connerie, tu es obligé de changer ou tu meurs. En conscience, il y a des gens qui ont tourné le dos à la conscience. Hein? Il y a des gens qui ne sont jamais revenus. Le test psychique était beaucoup plus psychologique. Parce qu'un test psychique, ils savent exactement ce qu'ils font avec toi. Donc. Donc, il vient d'ailleurs, ce choc. Hein? Le choc psychique vient de plus haut. Le choc psychique devient de plus haut. Il est là pour. Ajuster, mais il est là surtout pour amener l'ego à comprendre qu'il a une programmation fixe. Quand vous avez compris que vous avez une programmation fixe, vous n'essayez pas de la changer, votre programmation. Vous essayez de vous changer en tant que réceptacle d'intelligence pour monter, être toujours au-dessus de la pièce de théâtre qui se joue. Parce que tantôt, on parlait à table justement de ça, la programmation, ouais. Puis le côté incontournable de ça. C'est fixe. Là, j'avais dit, moi, que la programmation est fixe. Parce qu'on parlait du cas de la faillite de tantôt, que la dame avait emmené. C'est que dans un cas où la programmation est plus consciente, tu vas savoir que tu vas faire faillite. Mais que tu vas la travailler autrement. C'est ça. Ça ne t'amènera pas au suicide non. Ou à la dépression. Non. Ça va t'amener à avancer plus loin. C'est ça. Fait que tu restes dans la programmation, mais tu es plus conscient et intelligent de la force. C'est ça. La programmation est juste là pour développer un rapport de force dans l'homme pour qu'il soit plus ferré, pour équiper, pour dialoguer avec son esprit. C'est ça. Le but, c'est d'éliminer de la crainte, la programmation. Plus tu vas éliminer de la crainte, moins ta programmation va t'affecter. Parce que tu vas être au-dessus. C'est ça. C'est la crainte qui fait réfléchir l'homme, qui fait plier le genou à l'homme. C'est pas la croyance. La crainte fait que bon, on a des croyances. Et la croyance, par rapport à la programmation, c'est de penser qu'elle n'est pas fixe. Et ça, c'est la première erreur de l'homme. La croyance. Ça, c'est l'illusion du libre arbitre. C'est l'illusion du libre arbitre parce que l'homme ne veut pas croire que sa vie est déjà arrangée. On ne veut pas croire. Il n'y a pas personne qui veut dire « Hey, ma vie est déjà arrangée, ça s'en va par là. » On va dire « Hey, wow, arrête un peu, là. » Non, non, ta vie s'en va par là. Accepte-les, accepte-le pas. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir pourquoi que ça s'en va par là. Puis pourquoi les forces de la lumière ont décidé que l'âme avait besoin d'une programmation. Pourquoi l'âme a une programmation? Si on pose la question aux forces de la lumière, il dit « Sacrement, ça tirerait dans tous les sens les égos que vous avez. » Il dit « La programmation, ça a ramené l'ego sur la map. Ça lui a donné, c'est comme Google. Tu t'en vas là, tu tapes Google, ben ta programmation t'amène là. Parce que comme ça, je disais aussi, comme on va prendre un Word, une programmation du Word. Les gens connaissent, est-ce que les gens connaissent tout, par exemple, comment ce Word marche? il y a bien des gens qui ne s'inspireront pas ou ne chercheront pas à découvrir les détails. Non. Qui vont manquer des choses. C'est correct. S'il arrive quelque chose, je ne sais pas comment le corriger. C'est correct, parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas le taux vibratoire pour supporter la lumière plus qu'il faut. OK. Tu sais, c'est une question de taux vibratoire. Puis c'est correct, mais ce que l'individu doit réaliser, c'est que dans sa conscience, il n'y a rien qui ne peut lui être caché s'il est capable de parler la vie. Si tu parles ta vie, automatiquement, tu as le droit à la réponse. Ta question a une réponse. Si c'est pas ça, on se fait vraiment jouer. Si l'homme, un jour, n'est pas capable d'avoir les réponses à ses questions, on n'est pas dans la conscience, on est encore dans la domination des structures de l'âme sur notre vie. Mais y a-t-il un temps pour ça? Il y a tant de temps pour ça, c'est sûr. Ça commence, là. Mais je veux dire, pour une personne individuelle... Une personne individuelle... Peut-être en avant de son temps ou... On n'est jamais en avant de notre temps. On est toujours dans le temps. Ça peut être après si ça ne comprend pas. C'est l'expérience va être plus dure pour l'amener à comprendre. Ouais, ça c'est intéressant, Sergio, parce que les gens ne veulent jamais comprendre c'est quoi l'intelligence du temps. Mm-hmm. L'intelligence du temps, c'est la capacité de l'homme d'absorber l'énergie et de ne pas fondre. L'énergie astrale, tu ne fonds jamais à l'énergie astrale. Tu l'embrasses, tu es manipulé par et tu agis en conséquence. Mais la lumière, c'est pas la même chose. C'est pas une énergie astrale, la lumière. Mettons, si je te pose la question sur les infinités, puis on parle pendant 2 heures ces infinités, peut-être qu'après 10 minutes, tu vas en avoir assez des infinités. C'est fini. C'est toi, c'est ça. C'est bon. Mais tu sais, c'est ça. C'est une vibration. L'autre, il peut s'accepter telle vibration. Ça va comme ça. En psychologie évolutionnaire, nous parlons d'ajustement de la parole. Pourriez-vous élaborer sur ce qu'il ajuste la parole chez un individu? Ceux qui ajustent la parole? Ce qui ajuste la parole. Ah! Ce qui ajuste la parole chez un individu? La capacité de se censurer. Je vais en parler davantage, mm-hmm. La capacité de se censurer. Si vous dites quelque chose, je l'ai donné un exemple, je pense, tantôt, par exemple, ma vie devrait être différemment. Puis quelqu'un vient te dire tout simplement ta vie devrait être différemment. Puis il lui dit, supposons ta vie est exactement comme elle devrait être. Puis toi, tu dis le oui, mais tu n'es pas capable de te censurer. C'est un exemple. Oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. L'autre, il vient de t'apporter de l'information. C'est de la lumière ce qu'il t'apporte. Ta vie est exactement ce qu'elle doit être. C'est de l'intelligence. Puis toi, tu dis oui, mais. Fait que ta parole, elle va rester la même. Tu peux pas t'ajuster. Tu n'as pas de censure au niveau de ta propre conscience. Ton meilleur ami dit oui, mais. Ouais, mais. Puis toi, c'est ça la conscience. C'est que la capacité de l'homme de se censurer doit être très, très, très grande. Puis ça vient d'où, ça, la capacité de se censurer? Il faut que l'homme brise les murs de l'orgueil en lui-même. Les murs de l'orgueil, c'est quoi? C'est l'impression que tu sais. L'impression que tu sais quelque chose. Le savoir, c'est pas une impression. C'est une vibration. Mais quand tu es dans l'impression que tu sais, tu peux pas te censurer. Tu as l'impression que tu sais. Es-tu prêt à t'asseoir à la table et étudier avec l'autre? Non. Parce que toi, tu le sais. Mais ton impression, elle vient d'où? Elle vient d'une force qu'on peut appeler de l'orgueil. Mais cet orgueil-là a pour source quoi? La domination. Le pouvoir. Le pouvoir. Et quand vous parlez pouvoir, pouvoir, domination, séduction, c'est forces de l'annonceur luciférienne qui sont derrière ça, puis ils utilisent le plan satanique. Parce que le plan satanique est une force de frappe beaucoup moindre que le plan luciférien. Le plan luciférien, tu les vois avec ses gros sabots. Aujourd'hui, là, tu vous présentais Hitler à la société, puis il y a une crise de gang qui verrait qu'il est possédé. Mais en 1930, quand il commençait à faire ses discours, les gens levaient en Allemagne pour cet homme-là. Il a levé tout un peuple. Les gens n'avaient pas la structure mentale pour absorber Hitler, donc la structure mentale qu'ils avaient, c'est une structure astrale. Hitler rentrait comme ça, il séduisait tout le monde. Puis il dominait tout le monde par la crainte et la peur. Ça, c'est le côté luciférien qui faisait ça? C'est le côté luciférien. C'est des forces de la noirceur qui venaient des Indes. Les chamans étaient derrière ça. C'est une organisation occulte incroyable. Puis, il ne faut pas oublier que l'homme doit être tassé dans un coin. Il ne faut pas oublier que l'homme doit être tassé et écrasé par les forces de la noirceur. Ils n'ont rien qu'un but. Les jeunes hommes qui ont mis deux bombes là, au marathon de Boston, là, ils n'ont pas fait ça tout seuls. Ils ont fait ça avec parce qu'ils étaient connectés avec des forces de domination. Ils ont été radicalisés par une structure de pensée.